Audiomatique. Le groupe Electro Domesticos lançait la transmission 264 d'Audiomatique avec la pièce titre de son plus récent album intitulé Ex la Humanidad. Comme à chaque semaine, les sonoristes vous ont concocté une transmission d'Audiomatique où ce qui est entendu n'a pas à être nécessairement musical. Reinkommen. Thank you. À Audiomatic, nous vous présentions la composition « Call Me Joker » de l'artiste islandaise Hildur Gudnadottir, qui est tirée, bien entendu, de la bande sonore du film « Joker », mettant en vedette Joaquin Phoenix et réalisée par Todd Phillips. En plus de ses albums solo et de ses nombreuses collaborations, Hildur Gudnadottir s'est aussi fait connaître pour les bandes sonores qu'elle a composées pour le cinéma et la télévision, entre autres les films de Denis Villeneuve comme Prisoners, Sicario et Arrival, et la mini-série Chernobyl pour la chaîne HBO. Tout juste avant, il s'agissait du groupe brooklynois The Inner Banks, dirigé par le couple formé de Caroline Schutz et de David Gould. Ils nous présentaient leur chanson Rockets, extraite de l'album Wild paru en 2012. Et pour débuter, nous avions droit au projet Dark Star, mené par l'artiste allemand Wolfgang Reffert, et sa composition Solaris 2, tirée de l'album Travelog 2, lancé en 2000. Cet album est en fait une réédition de l'album Travelog, paru en 1994. Travelog 2 comprend 7 des 9 pièces de l'album original, en plus de 4 nouvelles compositions. Mentionnons d'ailleurs que les membres du groupe The Legendary Pink Dots ont participé à l'album Travelog de Dark Star. Toujours à Audiomatic, allons-y maintenant avec un peu plus d'abstraction sonore. Thank you.

À Audiomatic, nous venons d'entendre le saxophoniste John Coltrane qui s'est allié de Rashid Ali à la batterie pour nous présenter la pièce Mars. En 1967, soit peu avant la mort de Coltrane, le duo a enregistré l'album Interstellar Space basé uniquement sur le drum and sax et duquel est tirée la pièce que nous avons entendue. Avant John Coltrane, c'était la formation new-yorkaise Controlled Bleeding et sa composition Schist apparaissant sur l'album intitulé Can You Smell the Rain Between, paru en 2002. Et c'est avec la musique du groupe chilien Los Angeles Negros que la transmission 264 d'Audiomatic prendra fin sur une note de romantisme mélancolique. De l'album Evolvere, paru en 1970, nous allons écouter la pièce Murió la Flor. Les sonoristes vous remercient d'avoir été attentifs pendant la dernière heure et espèrent que vous sintoniserez le 89.1 sur la bande FM mercredi prochain dès 17h pour écouter la transmission 265 d'Audiomatic. Si vous n'êtes pas en mesure de capter en direct les ondes radiophoniques, nous vous proposons de vous rendre sur une de nos plateformes comme facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatique afin d'entendre ou de réentendre toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Los Angeles Negros et leur pièce Murió la Flor. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa. Labios mis caricias dejarás, mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa.